Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Je suis ravie de partager à nouveau avec toi dans Minute Bonheur où tu me retrouves les mardis à 8h et 13h30. Et aujourd'hui, je te parle du pouvoir des affirmations positives. Les affirmations positives sont de courtes phrases que nous utilisons dans le but de reprogrammer notre subconscient. Elles envoient des messages clairs à notre esprit pour orienter nos pensées vers les buts que l'on souhaite atteindre. Elles nous permettent de concentrer toute notre attention sur la réalisation d'un objectif spécifique. L'essentiel du processus se résume à ceci. Déclarer de façon répétitive certaines affirmations qui vont déclencher un changement et des transformations dans notre vie. Mohamed Ali disait « C'est la répétition d'affirmations qui mène à la croyance, et une fois que la croyance devient conviction, les choses commencent à se produire. » Si l'on en croit l'expression « vous êtes ce que vous pensez », notre vie serait influencée directement par nos pensées et nos croyances, positives ou négatives. Cependant, pour que ces pensées se concrétisent, nous devons les transformer en mots et en actions, conscientes ou non. C'est pourquoi il est très important de surveiller nos pensées et notre langage, de manière à ne choisir que ceux qui entretiennent notre bien-être et notre positivisme. Les affirmations positives sont en ce sens une aide précieuse, car elles nous aident à purifier nos pensées et à restructurer nos systèmes cognitifs et comportemental, et donc à envisager tous les possibles. Les affirmations positives nous aident à croire en notre potentiel. Lorsque nous formulons verbalement nos rêves et nos ambitions, nous ressentons instantanément un profond sentiment de réconfort à l'idée que nos vœux deviendront réalité. La science a validé à maintes reprises le pouvoir des affirmations positives. Celles-ci sont en effet une forme d'autosuggestion qui, lorsqu'elles sont pratiquées intentionnellement et à de nombreuses reprises, renforce les capacités du cerveau dans sa structure et dans son fonctionnement. C'est ce que l'on nomme la neuroplasticité ou plasticité neuronale. Les neurosciences ont prouvé que nos pensées peuvent changer la structure et les fonctions de notre cerveau. En pratiquant l'affirmation positive de manière régulière, nous modifions réellement la partie du cerveau. La clé de ce remodelage de la pensée réside dans la répétition, afin que tu inondes ton cerveau avec la pensée positive. Lorsque tu pratiques l'affirmation, choisis une ou deux pensées sur lesquelles tu vas te concentrer durant plusieurs semaines. Répète l'affirmation à haute voix, d'une voix claire, plusieurs fois par jour et avant de te coucher. Pour ajouter plus de pouvoir à l'affirmation, écris-la également. Dans tous les cas, assure-toi d'utiliser le présent dans la formulation de tes affirmations, comme si elles étaient une réalité présente. Mais comment créer tes propres affirmations? Il existe une multitude d'exemples, mais il est également possible de créer tes propres affirmations et ainsi d'y apporter une touche plus personnelle. Après tout, tu es mieux placé que quiconque pour savoir quels sont les objectifs que tu souhaites atteindre. Le pouvoir des affirmations positives. Divise en catégories les domaines de ta vie que tu souhaites voir s'améliorer. La santé, les relations, le travail en sont quelques exemples. Fixe-toi des objectifs à atteindre dans chaque catégorie. Ce pourrait être de faire de l'exercice quotidiennement, de te faire un nouvel ami, de rencontrer de nouveaux clients, etc. Écris quelques phrases courtes et simples qui t'inspirent pour chaque objectif. Tu devrais privilégier des phrases facilement mémorisables pour qu'elles s'imprègnent sans effort dans ton subconscient. Par exemple, si ton objectif est d'augmenter ta confiance en toi, ton affirmation pourrait ressembler à celle-ci. Je me sens plus confiante à chaque nouveau pas que je fais, ou plus j'apprends à me connaître et plus j'ai confiance en moi et en mes capacités. Écris toujours tes affirmations au présent et dis-les en toi. Il est primordial de ressentir des émotions positives pour attirer ce que tu désires. Si tu te surprends à avoir des émotions négatives en répétant certaines affirmations, reformule-les. Crois que ton affirmation fait déjà partie de ta réalité. La notion de croire est très importante ici. Lorsque tu répètes une affirmation, tu dois avoir la foi et penser fermement que cela est déjà en train de se réaliser. De cette façon, tu enverras des vibrations élevées et tu attireras à toi ce que tu désires vraiment. Si tu as de la difficulté à y croire, tu peux utiliser la formulation « Je suis en train de ». De cette façon, tu auras plus de facilité à imaginer que ton affirmation est bel et bien vraie. Persévère. Parfois, les résultats seront rapidement décelables, mais il peut arriver que cela prenne un peu plus de temps. Ne te décourage surtout pas et dis-toi que tu as peut-être quelque chose à apprendre avant de voir ton souhait se réaliser. La vie nous réserve parfois des surprises, mais en gardant une attitude positive, tout finit par se mettre en place. Quand utiliser tes affirmations ? L'idéal est de les répéter le matin à ton réveil et le soir avant de t'endormir. Ton subconscient est alors plus sensible et réceptif. Cependant, tu peux les utiliser dès que tu remarques une baisse d'énergie positive ou quand tu veux modifier tes pensées. Tu peux les écouter quand tu es seul, en les enregistrant sur un CD et en les faisant jouer dans ta voiture, ou les répéter mentalement lorsque tu es au travail et que tu as du temps libre, ou tout simplement les lire avant de sortir de ton lit pour bien commencer ta journée. Tu peux également les répéter en te regardant dans le miroir, en prononçant les mots à haute voix. Cela t'aidera à y croire. Si tu t'entraînes quotidiennement et que tu appliques les quelques conseils ci-dessus, tu vas très rapidement constater l'impact positif de ces phrases dans ta vie. Tu vas même te rendre compte que certaines affirmations affluent automatiquement dans ton esprit, dans certaines situations quand le besoin s'en fait sentir. Par exemple, tu te surprends à penser à la facture imprévue que tu as reçue hier par la poste. Cela fait naître en toi un sentiment d'inquiétude. Soudainement, ton subconscient fait remonter à la surface la phrase suivante. Mes factures se paient toujours facilement, sans effort particulier de ma part. Grâce à cet outil simple mais efficace, tu auras plus de facilité à te concentrer sur ce que tu veux vraiment et non pas sur l'événement qui te fait réagir. Ainsi, les pensées négatives se transformeront en une énergie nouvelle qui t'aidera à réaliser tes objectifs. Gautama le Bouddha disait « Nous sommes façonnés par nos pensées, nous devenons ce que nous pensons, alors pourquoi ne pas chercher à améliorer la qualité des pensées que nous contemplons en nous inspirant des affirmations positives ? » En voici quelques exemples. Le bonheur est mon droit imprescriptible. J'accepte que le bonheur devient le cœur de mon existence. Tu ressens de la joie et de la satisfaction en ce moment précis. Je me réveille chaque matin en me sentant heureux et enthousiaste à l'égard de ma vie. Je peux exploiter ma source de bonheur intérieur chaque fois que je le souhaite. En me permettant d'être heureux, j'incite les autres à être heureux aussi. Je m'amuse de tous mes efforts, même les plus banals. Je regarde le monde autour de moi et je ne peux m'empêcher de sourire et de ressentir de la joie. Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples de la vie. J'ai le sens de l'humour et j'aime partager des rires avec les autres. Mon cœur déborde de joie. Je m'endors dans le bonheur, car je sais que tout va bien dans mon univers. Voici pour ces quelques minutes bonheur partagées avec toi sur les affirmations positives. Je te souhaite d'en trouver qui t'appartiendront directement et que celles-ci puissent modifier ta vision du monde, de ton monde et d'atteindre tes rêves. Je t'embrasse bien fort et je te dis à mardi prochain.